Passion commune. Alors, oui, absolument. Dites-moi, comment fait gagner votre album, Marc Lavoine? Oui. Il fallait répondre à la question suivante, qui était « Les souliers rouges est-ils ou sont-ils, comme vous voulez, je ne sais pas, un conte d'Andersen ou des frères Grimm ?» Je vous laisse donner la réponse. Andersen. Eh bien voilà. On souhaite beaucoup de succès à cet album. Merci, merci beaucoup d'être venu nous le présenter ce matin. Merci à vous. On a passé avec vous un excellent moment. Je précise que vous serez l'invité de mon camarade Stéphane Bern mardi prochain dans À la Bonne Heure hein, sur RTL à partir de 11h. Et maintenant, on retrouve notre Julien National. Non, bien sûr, moi aussi, je vous en prie. J'adore toujours Marc Lavoine qui reste pour moi. Là. Bonjour Julien, ça va? Comment ça va? Ça va bien et toi? Super bien. Et... je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Mettez-moi deux croissants. Voilà. Vous savez, passer une journée avec Marc Lavoine, c'est un enchantement. C'est, on a toujours les voilà, la chair de poule, il est incroyable. Il est incroyable. Je t'embrasse fort. Oh non. Alors, fort, oui, mais... eh ben oui, c'est pas parce qu'on... voilà, et donc, vous m'avez l'air un peu embarrassé, mon petit bonhomme. Là, je suis tout moi, attends, je vous le dis tout de suite. Oui. Bon, allez, bonne chance à tous. Ciao, ciao. Bonne émission. Oui, merci. Ah oui, c'est vrai, il y en a une. Allez, on y va. Enfin, c'est la vôtre, normalement, si vous la démarrez un jour ou l'autre. Ouais, mais, j'ai toujours le dernier prévenu. Bon, allez, à tout de suite. Le jeudi, c'est journée portes ouvertes. RTL. Faites le 32-10 et vous passez en direct entre 9h30 et 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. Moi, président, je vous le dis tout de suite, je vais vous faire gagner un iPhone 7. Mesdames et messieurs, nous sommes les premiers à vous le faire gagner. Il est exceptionnel, donc soyez là d'ici 7-8 minutes. Je vous explique comment gagner l'iPhone 7 en direct ce matin. Mais là, c'est la journée porte ouverte, donc je rappelle que ce matin, c'est ceux qui appellent, là, comme ça, spontanément, qui passent directement sur l'antenne d'RTL. Donc on va voir les premiers cas dans une seconde. Précipitez-vous au 32-10, quel que soit votre problème, on travaille sans filet ce matin. Ça, c'est la deuxième information. La troisième, c'est que j'ai une équipe béton ce matin, puisque la Divina est là, s'il vous plaît, avec des manches courtes. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Ah, j'adore bonjour vos bras. Julia, je vous le dis tout de suite. J'adore beaucoup de choses chez vous, mais les bras, c'est ce que je préfère. Il y a Hervé Pouchol et Bernard Sabat, double négociation. Bonjour Julien. Toutes les équipes, ainsi que le Standard, nous sommes là pour vous accueillir sur RTL. Donc les premiers cas spontanés arrivent, vous avez appelé dès 9h du matin, mais je voudrais tout de suite, à titre exceptionnel, que l'on revienne sur ce qui s'est passé hier sur l'antenne d'RTL. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Cas d'urgence, Cédric nous appelle hier et nous dit « Je vais perdre ma maison, ils vont me la saisir injustement ». Sous prétexte que ma femme a liquidé sa société, ma banque veut dénoncer le crédit de notre maison, alors que l'on paye tous les mois sans difficulté. Même le liquidateur ne comprend pas. Il peut attester que l'on ne doit plus rien. Maître Fellonneau, en deux mots, expliquez à ceux qui n'étaient pas là hier sur RTL dans le 9h30 ou 11h, la problématique. Mais là, c'est pour tous les gens qui ont une activité professionnelle et qui ne se sont pas mis en société. Il faut savoir que votre porte-monnaie privée, eh bien, n'est pas dissociée du porte-monnaie professionnel. Alors que lorsque vous faites de mauvaises affaires, ce qui arrive à beaucoup de gens, surtout ces temps-ci, eh bien, tous vos biens, tous, vous m'entendez, votre télé, votre voiture et votre maison tombent dans la faillite. Ça, c'est le cas de nos amis. Mais alors, eux, ils ont été exceptionnels. Ils ont payé tous leurs créanciers. Ils se sont saignés aux quatre veines pour continuer quand même. Le seul créancier qui n'avait pas payé, c'est le crédit immobilier qu'ils doivent payer tous les mois jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, 32. Voilà. Et la banque, elle dit « Ah, moi, j'ai droit à tout, je vous prends tout. » Bien qu'ils paient tout, la banque dit « Mais c'est vrai que vous payez, mais remarquablement bien. Mais nous, on a un petit alinéa qui nous permet maintenant de tout prendre. Donc, on va tout vous prendre. » Ils ne pouvaient plus tout payer d'un coup. Alors, on s'est battu. On a appelé la banque et on est tombé sur des gens bien, je l'espère en tout cas. Cédric est en ligne avec nous. Cédric, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien. Vous bonjour êtes tout le monde. En direct, parlez bien fort Cédric. Qu'avez-vous à annoncer aux auditeurs d'RTL du 9h30-11h ce matin? Alors, bonjour à tous. Bah, a priori, tout est résolu. Vous avez assuré. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, Cédric, dans ce cas-là. Mais simplement, il vous assure que vous allez continuer à payer le crédit et vous gardez votre maison. Oh, c'est super. Non, ça c'était une question en fait. Ah oui, c'est ça, tout à fait, pardon. Eh ben, c'est super. Alors Sarah, rapidement, du côté de la banque, ils ont été extraordinaires, ça a été très vite. Le bon sens qui était d'ailleurs à l'époque, hein, c'était le bon sens en action, le Crédit Agricole, il a marché. C'est le bon sens, les coûts du client, le cœur à jouer, c'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient vraiment dans leurs droits, mais voilà, c'était une situation réellement délicate juridiquement parlant, comme vous l'a décrit Maître Fellonneau, mais voilà, ça s'est fait réellement une après-midi. Ça marche, on est content Cédric. Pour vous, mon Cédric, il récupère sa maison. Elle ne partira pas aux enchères. Merci à vous de nous faire confiance. Allez, Cédric, je vous laisse le mot de la fin. Je tiens à tous vous remercier, Sarah, toute votre équipe, Maître Taleb, Maître L'œil. Attendez, deux secondes, coupez tout. Pouvez-vous m'expliquer, parce que ça fait quand même maintenant un petit 17 ans qu'on fait cette émission, quelque chose comme ça. Qui est Maître Talem ? C'est mon avocate. Ah, pardon ! Parce que j'étais en train de dire, dis-donc, t'as quand même une avocate dans le studio, je ne l'ai pas remarqué en 17 ans, dis-donc. Alors, en parlant de Maître, votre avocate qui a bien fait son boulot, je vais vous souhaiter une bonne journée, Cédric. Voilà, rassurez-vous, embrassez la famille, tout va bien. Et merci, merci du fond du cœur au Crédit Agricole. C'est vrai qu'il y a des lois, mais de temps en temps, elles sont faites pour être analysées et se dire, mais ne soyons pas idiots, il paie, pourquoi on va l'embêter, cet homme-là ? Maître Filono, vous aviez une précision, une règle de droit, écoutez bien, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et derrière, on attaque le premier cas de la porte ouverte. La règle d'or sur RTL. Nathalie. Même si vous êtes en liquidation judiciaire, sachez que si un des créanciers, effectivement, vous cherche des problèmes, comme c'était le cas pour Cédric, vous avez la possibilité de saisir le tribunal pour demander le fameux délai de grâce de 2 ans. Donc ça vous permettrait, par exemple, en l'occurrence, de trouver un autre établissement financier pour vous donner un nouveau crédit. De même, lorsque tous les créanciers sont désintéressés, sauf un, par exemple, c'est une situation exceptionnelle au sens de la loi qui vous permet de passer d'une liquidation à un redressement judiciaire et donc d'avoir un plan. Et puis, la loi Macron fait qu'aujourd'hui, le domicile, c'est-à-dire vos enfants sont protégés, on n'a plus le droit de saisir un appartement et un domicile. On n'a plus le droit ? Non, tant on n'a plus le droit. Josette est en ligne avec nous, c'est notre premier cas de la matinée. L'iPhone 7 arrive dans quelques instants. Je vous pose la question, vous êtes le premier à le gagner, la première, puisque nous sommes là ce matin les premiers à vous faire gagner cet iPhone 7. Est-ce que Josette est avec nous sur l'antenne d'RTL ? Josette ? Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. De Chartres, Josette. De ça même. Vous avez fait l'achat, alors, voilà pourquoi il y a urgence. Vous allez voir, on traite tous les petits bobos de la vie de tous les jours. Mais là, il n'y a plus de nourriture pour Josette, car le réfrigérateur, congélateur que vous avez acheté et qui est garanti 5 ans et que vous avez payé 564 euros et capoute, Josette ? Eh oui. Il est sous garantie ? Il est sous garantie. Je l'ai acheté le 7 juillet 2013. Et il est tombé. Il y a eu une première panne le 30 janvier 2016. On m'a changé le compresseur. Il y a eu une deuxième panne le 6 juin 2016. On m'a rechangé un compresseur. Et là, j'ai un petit peu poussé un petit coup de gueule, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, en disant, écoutez, moi, il n'y aura pas de troisième fois. Je veux un nouveau réfrigérateur. Surtout que je n'ai pas été indemnisée de tout ce que j'ai perdu dans les deux cas. Bien parce sûr. Que, le problème, c'est que ce genre de réfrigérateur, on entend le moteur qui tourne, mais il n'y a plus de froid qui se fait. D'accord. Et donc, moi, je m'en suis aperçue là, dimanche matin. Oui. Donc, il s'était remis en panne, à mon avis, samedi. Donc, vous jetez tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous apercevez que moi, il y a principalement du poisson, que le poisson est décongelé, qu'est-ce que vous voulez faire? On est deux, je vais pas inviter tout le quartier pour... Mais vous êtes mariée, Josette? Mais oui, je suis mariée depuis bientôt 50 ans. Bah oui, c'était peut-être l'occasion de lui donner à manger le poisson pour avoir peut-être... Pour savoir un peu s'il avait du nom. Oh, oui. C'était quoi comme poisson, Josette? Écoutez, comme c'est mon anniversaire la semaine prochaine, j'avais fait un petit peu Dites-moi. De ravitaillement. J'étais allée en Bretagne, j'avais ramené de la lotte, j'avais ramené de la sole, j'avais des coquilles Saint-Jacques, j'avais deux petits homards. Ah, effectivement, ne le remange pas. Si vous remangez tout ça après l'avoir décongelé, ça peut très mal se passer. Là, on se retrouve à l'hôpital. Bon. Et je ne parle que du congélateur, sans parler ce qui est dans le frigidaire. J'ai bien compris, Josette. Nous allons les appeler dans une seconde. C'est le premier cas, porte ouverte. C'est pour vous, Bernard Sabat. Oui. Préparez-vous. Et attention, dans une seconde, je vous fais également gagner l'iPhone 7. Vous êtes sur RTL. C'est le 9h30, 11h. Bonne matinée à tous. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Tout chaud. Été indien ? Radiateur programmable. Économie d'énergie ? Facture réduite. Prix chaleureux ? 79 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Radiateur à inertie sèche 1000 watts avec double cœur de chauffe pour restitution progressive de la chaleur à seulement 79 euros. Éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité carré blanc jusqu'à moins 30%. Conditions de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, avant d'attaquer les appels pour Josette dans cette porte ouverte en direct entre 9h30 et 11h, voici le moment de gagner l'iPhone 7. Il est sorti hier en exclusivité mondiale. Il est ce matin sur l'antenne d'RTL. Et pour le gagner, eh bien, il va falloir répondre à une petite question. Bon, déjà, vous faites le 3210, touche numéro 2, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pour arriver sur le standard jeu. Et après, il faut taper 1 ou 2 de nouveau, selon la réponse. Dans le jeu Pokémon Go, lequel de ces monstres pouvez-vous capturer ? 1. Pikachu. 2. Poucholex. À vous de choisir le bon Pokémon. Donc 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et après, si j'étais vous, je taperais le 1. Parce que Pikachu, ça me dit quelque chose. Mais alors, Poucholex, c'est un Pouchol en Solex, peut-être, je ne sais pas. Quand il va voir ses conquêtes, il arrive en Solex. Lui, il ne joue pas Ferrari et compagnie. Il garde le Solex. Alors, c'est bonne chance à tous, mesdames et messieurs. Voilà, vous allez gagner le dernier des iPhones, qui est peut-être pour vous un monstre de technologie. C'est parti sur le standard. C'est tout à l'heure à 11h-10 que nous aurons le gagnant. Josette, un petit mot rapide, il n'y a rien de particulier à dire, Maître Fellono. Ce que veut Josette aujourd'hui, elle ne me l'a pas dit clairement. Que souhaitez-vous ? Bah, écoutez, moi, je les avais appelés lundi matin à la Josette, première dites-moi ce que vous voulez. Alors, ce que je veux, c'est que, bon, ils me livrent, comme ils me l'ont promis, un frigidaire, mais rapidement. On habite à 2 km Josette, de ne me dites pas où vous habitez s'il fait beau. Et je veux être indemnisée. Voilà. De mes pertes. Est-ce que vous les avez est-ce que vous avez calculé les pertes? Oh, écoutez, j'ai calculé. C'est incroyable. À peu près à 400 euros. Alors, vous avez des factures, vous avez tout ce qu'il faut, Josette. J'ai pas de facture. Comment voulez-vous que je garde mes factures du poissonnier? Non, mais je sais bien, Josette. Mais Josette, il faut aussi. Je me tourne vers Maître Fellono. Il faut quand même reconnaître que dans la loi française, certes, on peut avoir le droit à l'indemnisation, mais il faut la justifier. Non, mais effectivement, la seule chose, c'est qu'on peut considérer qu'il y a un panier moyen au sein de votre congélateur. Alors, ce sera peut-être pas vos homards, etc. Je suis absolument navrée. Non, à moins que vous ayez pris des photos, ça aussi, ça peut quand même... Ah oui, on prend toujours des photos du poisson. On peut prendre des photos des pertes qui sont dans son congélateur. Mais vous le faites, vous avez raison. Ça, c'est, dit, mais c'est molle. Hier encore, vous voyez, j'étais à la poissonnerie. J'ai ramené du cabillaud. Tu ne me cuisines pas ça, chérie. On les prend d'abord en photo. S'il y a un problème avec le cabillaud, allez, poussez-vous les enfants. On va prendre en photo le camion, mais on va faire un autre axe. Mais la seule plus à gauche, je ne la vois pas bien. Éclair. Voilà. Maintenant, tu vas le mettre dans le dossier cabillaud. Non, ça, c'est le dossier des trucs de quincaillerie. J'ai ouvert un dossier cabillaud. Papa, voilà. Eh ben, la dernière fois, tu le mets à côté. Mais que vous êtes moqueur. Quand vous avez un congélateur qui rend l'âme et que tout est fichu, ça se voit. Et donc, on peut prendre des photos. Mais cela dit, je n'y crois pas non plus. Je pense qu'il y a panier moyen sera plus facile à revendiquer. Allez, on appelle. De toute façon, il faut qu'il lui change son frigo. Ça, c'est sûr. Attendez, il y a une garantie contractuelle, elle n'est pas faite pour les chiens, elle est faite pour être appliquée. Nous appelons cette belle enseigne. Quelle magnifique enseigne dont on est fier. C'est Darty. Là, je ne sais pas, on est au magasin. Hein. Oui, au magasin, à Chartres. À Chartres. Alors, on va voir si ça sonne vite. Après, on a plein de numéros à faire. Il va falloir aussi qu'ils expliquent pourquoi ça met autant de temps pour changer le frigo. Peut-être qu'ils n'ont pas le modèle, je ne sais pas. Si le modèle est... Moi, j'ai regardé sur Internet, le modèle est disponible. Je vous dis, Bonjour. Bonjour. On est passé au SAV. Merci de taper sur votre clavier téléphonique votre numéro de département. Allez, c'est parti Bernard, c'est à vous de jouer. Vous tapez le numéro de département, le numéro de client, l'âge du cabillaud, tout ce que vous voulez. Et dès que vous avez quelqu'un, je vais entendre la petite alerte que voici. Ça veut dire que la négociation démarra et toutes les négos ont lieu sur l'antenne. Il est 10h moins le quart. En appelant 3210 maintenant, vous êtes sur l'antenne quelques minutes plus tard. C'est le principe de la porte ouverte. N'oubliez pas l'iPhone 7 et n'oubliez pas que c'est la fête sur RTL. Qui fête ses 50 ans cette année. Alors on s'est dit, envoyons Justin, pas Bridou, le Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off through my city, off through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Stop the feeling. Justin Timberlake, vous êtes sur RTL et depuis 9h30, il s'est passé beaucoup de choses. Grâce au Crédit Agricole et grâce à leur savoir-faire, nous avons sauvé la maison d'un homme. Elle allait peut-être être saisie injustement. C'est bon, il reste dans sa maison. Ça, ça a été la première bonne nouvelle. Et puis, il y a eu Josette qui nous dit, attendez, j'ai un frigo qui est en garantie. On ne me le change pas. Il n'arrive pas à me le changer. Pendant ce temps-là, je perds de la nourriture tous les jours. Nous sommes avec Darty en ligne. Où en est-on, s'il vous plaît? Bernard. Le service après-vente, pour l'instant, ne répond pas, Julien. Donc, on est en attente. Donc, vous me faites un deuxième numéro. Passez au commercial, passez au service commercial. Okay, comme si je voulais acheter évidemment un frigo comme on fait d'habitude. Et vous m'envoyez l'alerte dès que vous avez quelqu'un, puisque dès qu'on a quelqu'un, les négos ont lieu en direct. Nous allons avoir un troisième cas dans une seconde. Nous allons avoir le cas, puisque c'est la consultation. Ah, allô, on a quelqu'un chez Darty. Alerte, bonjour Darty. Bonjour Darty, bonjour. C'est le service client ? Oui, vous êtes bien au service client, monsieur. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'essaie d'aider une dame qui a un petit problème avec son frigo, qu'on ne lui change pas, qui est sous garantie, elle attend, elle perd de la nourriture. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît ? Donnez-moi le numéro de la commande, s'il vous plaît. Le numéro de la commande, où est-il ? Attendez, je crois que j'ai un numéro client, un numéro de vente. 961, oui. Ça vous va pour démarrer, ça ? C'est parfait. 961 030 752 23 71. Et vous allez normalement tomber. D'accéder à la. Ah bien, allez-y. Alors, allez sur. Parfait, madame. Merci. Vous êtes très sympa. Merci. Voilà. Le temps de rentrer tous les numéros. Elle va voir Josette apparaître sur son écran. D'ailleurs, il faut savoir que chez Darty, quand vous tapez le numéro de client, vous voyez le client apparaître en petite tenue. En général, vous, Josette, d'après ce que j'ai vu dans votre dossier, chez Darty, ils vous ont en train de prendre une douche. Oui. Avec du shampoing à l'huile de jojoba. Josette, je vous retrouve dans une seconde dès qu'ils sont là. Hervé, attention, vous allez vous occuper du deuxième cas. Je rappelle qu'il y a l'iPhone 7 à gagner. Vous n'hésitez pas, 3210 touche numéro 2 et ensuite vous faites numéro 1 et vous repartez avec l'iPhone 7. Il est sorti hier soir. Il est à gagner sur RTL et c'est pour ça que c'est la première à Radio de France. À tout de suite pour avoir Darty en ligne sur RTL. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100€ offerts en bon d'achat pour 500€ d'achat en meubles, déco et électroménager. 100€ offerts. Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Cette semaine dans Le Point, notre grand dossier spécial vin de Jacques Dupont. 509 vins sélectionnés, 161 grandes bouteilles à moins de 10€ et notre guide complet des foires aux vins par enseigne et par prix. Amateurs de bons crus et de bonnes affaires, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du spécial vin du Point en vente cette semaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça peut vous arriver, et l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Avec 1,4 million auditeurs à chaque instant, quasiment le double des concurrents. Et c'est pour ça qu'on vous récompense et qu'on vous fait gagner cet iPhone 7. Et que chaque jour, j'ai demandé à ce que cette année, à notre tonton Georges, il y ait du cadeau pour l'auditeur pour qu'il soit récompensé. Bernard Sabat, alerte Darty, vous êtes avec le service client pour le frigo. Oui, je suis avec le service client, je vous le passe. Merci beaucoup. Alors de nouveau, madame, Julien Courbet à l'appareil. Allô ? Oui ? Vous êtes la personne que j'ai eue tout à l'heure ? Tout à fait. Voilà. Ah oui, je parlais à une autre personne. Oui, oh, vous vaut mieux me parler à moi, croyez-moi. Ça concerne une commande dont la cliente n'a pas été remboursée, c'est ça ? Ça concerne un frigo qui est sous garantie, qui est en panne. Voilà, qui est tombé en panne plein de fois et aujourd'hui on lui a promis, c'est ça, Josette, un changement. Oui, lundi matin, après avoir discuté, ils m'ont promis un changement et on est aujourd'hui jeudi. Je n'ai toujours rien. Et elle perd sa nourriture, voyez, au fur et à mesure. Ben, j'ai tout perdu. Oui, j'ai plus de frais, j'ai plus rien parce que j'ai un congélateur. Josette, vous inquiétez pas, c'est juste pour essayer d'aller le plus vite possible. Oui. Alors, madame, c'est le service après-vente qui vous a dit qu'ils allaient que le réfrigérateur va être échangé ou pas? Ah bah écoutez, moi j'ai reçu un appel, je ne sais pas de qui, parce que quand on reçoit l'appel, c'est marqué privé, donc je peux pas savoir de qui il émane. Et j'ai eu un monsieur qui m'a dit, écoutez, on a pris la décision de le changer. Ceci étant dit, vous madame, sur votre dossier, vous avez quoi? Alors, je suis en train de rechercher cet appel. Alors, un petit instant. Mais je vous en prie. Voilà, c'est la vie, c'est ce que vous vivez au quotidien. Je mène vivez également aussi. Mon investigation. Alors, investiguez, madame, allez-y. Oh, madame, on avait les experts Miami, les experts Los Angeles, on a maintenant les experts Darty. Avec Horacio qui va venir. Mais c'est bien. C'est Darty, non. Allô, qui a dit non? Non, je ne suis pas experte. Oh, monsieur. Je suis sûr que si. Vous ne le savez pas, vous êtes une experte qui est l'expert d'Oran, vous. Maître Felloneau. Oui, madame. Simplement, il y a eu deux fois la même panne. La réparation a été impossible. C'est un, soi-disant, un compresseur qui a déjà été changé. Oui. Ce n'est pas efficace. Il est vraiment en rade. Il y a une garantie contractuelle de 5 ans. Il faut lui changer. C'est tout à fait classique comme cas. Il n'y a pas de souci particulier. Madame, jetez un coup d'œil et peut-être trouvez-nous un chef de service qui peut intervenir. Oui. Allez, on fait ça, Bernard. Vous récupérez l'appel et on aura l'alerte dès que. Il faut que le frigo soit changé avant 11h. Donc restez avec nous. C'est la mission que s'est fixée Bernard. Pouvoir avancer et avoir un nouveau frigo d'ici 11h. Donc le 32-10 continue, puisque je vous rappelle que c'est une journée porte ouverte. Un plombier, un garagiste, un artisan vous a pris pour un pigeon. Ça peut arriver. Appelez-nous vite si vous avez payé beaucoup pour rien. Victime d'une erreur ou d'une aberration administrative. 32-10. Facebook, la page, ça peut vous arriver. Voyage qui se transforme en cauchemar. Vous avez pris des photos, c'est édifiant. 32-10, Facebook, ça peut vous arriver. Nous allons donc maintenant, avec vous Hervé, dans une petite seconde, nous occuper du cas de Marie-Claire. Peut-être puis-je la prendre tout de suite sur l'antenne. Marie, c'est Claude pour vous et c'est pour Claude pour moi aussi. Claude, bonjour Marie. Allô. Oui, Marie-Claude. Oui, bonjour Marie-Claude, qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Absolument. Bien, depuis le 10 août... Votre ex-compagnon n'a pas de carte vitale. Voilà. Parce qu'un jour, elle a cessé de fonctionner. Tout à fait. D'accord. Et il se bat pour obtenir une nouvelle. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il a appelé en disant « Ma carte ne marche pas et qu'il n'arrive pas à se faire entendre ». Non, parce qu'il est allé plusieurs fois sur place au bureau de la Sécurité sociale. Oui. Et chaque fois, on lui dit, il est allé au moins 3-4 fois, la lettre est partie aujourd'hui, Parce qu'en fait, il faut d'abord faire une demande pour changer cette carte. Ça dure depuis combien de temps, Marie-Claude? Ça dure depuis le 10 août? Oui. Et alors, au quotidien, c'est un peu la galère pour lui, maintenant? C'est la galère pour lui, parce qu'il a deux prothèses dentaires à faire refaire, qui se sont cassées, donc c'est urgent. Il a un transport en ambulance et une consultation à l'hôpital. D'accord. Et il a des lunettes à faire changer. Donc, je pense que vous imaginez la somme que ça peut faire. Et il ne peut pas. Mais bien sûr, Maître Felloneau. Bon, alors écoutez, c'est un problème récurrent, cette histoire de carte. Souvent, les commandes, elles mettent un an pour arriver. Là, il y a un renouvellement. Julien, il faut insister effectivement pour que la Sécu fasse cette demande. Parce que c'est un organisme extérieur qui fait la main, qui imprime ces cartes-là. Il faut envoyer sa photo. Enfin, il y a tout un dossier à monter. Donc, si aujourd'hui on n'arrive pas à lancer la machine, eh bien, il n'arrivera pas non plus à se faire soigner dans les temps qu'il faut. Je suis multifonction. Je peux aussi bien m'occuper d'une maison qui va être saisie, d'un frigo qui ne congèle plus le cabillaud, également de la carte vitale. Hervé Pouchol. Il y a des délais de 5 à 6, voire 7 semaines. Mais en revanche, normalement, il vous édite une attestation pour que vous puissiez vous faire rembourser le temps que la carte soit. Il y a des délais, mais je pense aussi qu'il y a des urgences. Parce que celui qui a vraiment besoin, je pense qu'on peut faire accélérer. Vous avez tapé à la bonne porte, Marie-Claude. Est-ce que nous avons tous les numéros ? Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous me faire le numéro de la Sécurité sociale qui correspond à Marie-Claude ? C'est parti. Alors, il va peut-être y avoir des tas de numéros à rentrer. Hein. On vous épargnera ça, ne vous inquiétez pas, ça se fait hors antenne. Mais dès qu'on entre dans le vif du sujet, on rebascule sur l'antenne. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Oui, appuyez sur dièse parce que je n'ai pas envie effectivement d'écouter ce message. L'assurance maladie, bonjour. Bonjour. Suivez, madame. Alerte. Vous récupérez l'appel pour l'assurance maladie, s'il vous plaît, Hervé Pouchol. Priorité toujours à l'alerte. Bernard Sabat, de quel cas s'agit-il ? Josette Darty et son problème de frigo. Super. On a une information à vous donner au service après-vente. Et c'est urgent et immédiat. Bonjour. Je prends tout de suite. C'est le principe de l'alerte et de l'émission. Merci Bernard. Oui, je vous écoute, Darty. Oui, alors j'ai retrouvé le dossier, j'ai bien un bon d'échange qui a été émis il y a 2 jours. Je vais communiquer la procédure à la cliente pour qu'elle puisse faire son échange dès cet après-midi ou même dès maintenant. Bravo. Dès maintenant, hein, finalement. Donc, vous pensez qu'elle pourrait avoir son frigo dès cet après-midi ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah pardon, j'ai pas compris alors, dites-moi. Non. Il faut qu'elle se rende en magasin. Oui. Déjà, dans un premier temps, pour qu'elle choisisse le frigo. Oui. Et puis qu'ensuite, elle voit avec mes collègues du magasin pour la date de livraison. D'accord. Alors, certainement de savoir, M. Courbet, Darty n'a pas de stock de gros électroménagers en magasin. Ah, bon, alors, ok, Josette, vous avez entendu ? Oui, mais moi, ça ne me convient pas du tout. Alors, Josette, ça ne vous convient pas parce que vous ne pouvez pas aller au magasin. Il faut bien en choisir un, ceci étant dit, Josette. Mais ce n'est pas l'histoire d'aller au magasin. Moi, quand on m'a dit on vous livre un frigidaire congélateur avant la fin de la semaine, il doit bien y avoir quelque part un document qui le dit. Non, mais Josette, attendez, là, c'est deux choses différentes. Et j'ai choisi le frigidaire congélateur. Elle ne va pas retourner au magasin, elle l'a choisi, elle a dit à la personne, elle peut vous le redonner, là, maintenant. Il suffit d'appeler le magasin et de dire... C'est le même, mais... Je reprends le même, mais qui a changé de numéro. Bon, madame. Et plus la même référence. J'ai bien compris. Mademoiselle, j'ai bien compris que là, on était arrivé, je pense, on bloque. On va passer, si vous voulez bien, au niveau au-dessus pour essayer de débloquer la situation. Est-ce que vous pourriez nous passer soit un superviseur ou j'appelle la direction ? Je comprends, hein, vous avez des process, madame, et vous ne pouvez pas aller le plus loin, ça c'est normal. Mais nous, on doit vraiment avancer. Vous pouvez me passer quelqu'un, chef de service ou pas ? Bon, réfléchissez au fait que vous puissiez éventuellement me passer quelqu'un. Non, je ne réfléchis pas. Ah bon, dites-moi. Ce que je vais faire, moi, la seule solution que je vois, c'est d'appeler le service après-vente. D'accord, on va le faire. Allez-y, Bernard, vous récupérez. Ceci dit, le service après-vente lui dira exactement ce que je viens. C'est pour ça, d'accord. Alors, on va quand même essayer pour le fun, parce qu'on aime bien entendre les choses plusieurs fois. Donnez-moi le service après-vente. Bernard, vous mettez également sur la direction de Darty. Je pense que cette dame, elle a acheté, elle a payé. Il faut aller lui changer, elle connaît le modèle. On ne va pas la renvoyer au magasin. À tout de suite. La Redoute intérieure présente. Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40€ tous les 100€ d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Plus de 10% des Français sont gauchers. Existe-t-il de réelles différences avec les droitiers ? À bâbord, toutes, cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors pour Josette, Maître Fellonneau dit, on appelle le magasin maintenant. Mais oui, puisqu'elle y est allée, qu'elle a choisi son modèle, que visiblement on lui a donné une date de livraison mais pas suffisamment précise, on le dit avant la fin de la semaine, elle veut avoir la confirmation et visiblement il n'y a que le magasin là qui peut entrer en piste. Alors Marie est en train de faire le numéro du magasin. Pendant ce temps-là, Bernard va nous trouver un responsable de chez Darty. Dites donc, Josette, avec votre cabillaud avarié, je pensais pas que j'allais y passer la matinée. Moi. Non, mais Julien, je ne suis pas allée au magasin. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, voilà... Josette, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, Josette. Je gère. Vous, je ne vous ai pas dit que vous y avez... On vous a dit, on va vous le changer, on va appeler téléphone, le magasin. J'ai compris, Josette. Téléphone. J'ai compris, Josette. Vous savez, Josette, si vous continuez à me fatiguer comme ça, je vais devenir aussi avarié que votre cabillaud, moi. Je m'occupe de tout, Josette. C'est un service premium. 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis touche numéro 1 pour gagner l'iPhone 7. RTL est la première radio de France. Le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée à cette heure-ci. Merci de votre fidélité. On revient juste après les infos. Deux minutes de retard au départ. On en a rattrapé 30 secondes. On n'a pas pu faire mieux. RTL, 10h, 1 minute et 30 secondes. L'information, c'est avec vous, Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quel avenir pour les chantiers navals de Saint-Nazaire? On sait que le carnet de commandes est plein pour les 10 ans qui viennent, mais on apprend ce matin que le sud-coréen STX veut vendre les chantiers navals français et vite, avant la fin de l'année. Nous avons un besoin urgent de liquidité, explique le groupe STX, propriétaire donc des chantiers navals de Saint-Nazaire. François Hollande a peaufiné son discours du jour, il l'a écrit, réécrit au moins 7 fois, nous indique Vincent Derosier du service politique d'RTL. Le président prononcera ce discours à 11h à Paris sur le thème « République, démocratie et lutte contre le terrorisme ». Mais surtout, François Hollande est attendu sur ses intentions pour 2017. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il devrait se déclarer candidat. Alors, que va dire le chef de l'État? Son entourage promet que le message sera fort. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL en fin de matinée. L'ancien ministre Arnaud Montebourg, lui-même candidat à la présidentielle, estime que François Hollande n'est pas en position de se représenter. On ne peut pas bâtir une victoire ni lever l'espoir sur des échecs, dit-il. Et Arnaud Montebourg ajoute, il suffit de se promener dans les rues de n'importe quelle ville ou village de France pour comprendre qu'il y a en France le désir d'autre chose. Dans l'actualité du jour, il y a aussi l'enquête sur les attentats de novembre 2015 à Paris. Salah Abdeslam a été extrait de sa cellule de Fleury-Mérogis et conduit au palais de justice de Paris. Le seul terroriste survivant du commando est interrogé par les juges ce matin. Jusqu'à présent, il a toujours refusé de parler. Autre enquête, celle sur la voiture découverte à Paris, pleine de bonbonnes de gaz le week-end dernier. Deux couples sont en garde à vue et la fille du propriétaire de la voiture, âgée de 19 ans, est toujours recherchée. C'est elle qui a pris le véhicule vendredi dernier. Elle est décrite comme étant radicalisée. Dans les Landes, l'incendie de Transac est maîtrisé ce matin, mais il reste sous surveillance. 70 hectares de végétation ont brûlé, nous indique Philippe de Maria du bureau RTL de Bordeaux. Il va faire beaucoup moins chaud dans le sud-ouest aujourd'hui parce qu'une perturbation arrive par l'est. Elle n'est pas très active, elle donne surtout un ciel nuageux. Les averses sont faibles et éparses. Cet après-midi, ces nuages vont faire de la résistance au sud de l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées jusque dans le Massif central. Sur les autres régions de l'ouest, les éclaircies reviendront partout ailleurs, du beau temps dès ce matin. Il va même faire très chaud dans l'Est. Alors voilà un aperçu des températures. 21 au maximum cet après-midi à Cherbourg, 22 à Brest comme à Biarritz où il a fait plus de 35 hier, 25 prévus à Rennes et Nantes, 26 à Paris, 27 à Lille et Bordeaux, 31 degrés à Marseille et Lyon et cet après-midi 32 à Montélimar, à Grenoble et Strasbourg. Le tennis à l'US Open, le japonais Nishikori a sorti le britannique Murray cette nuit et s'est qualifié pour les demi-finales. Il sera opposé au Suisse Wawrinka qui a éliminé, lui, l'Argentin Del Potro. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Rio au son de la samba cette nuit dans le mythique stade Maracana. 17 jours après la fin des JO, la vasque olympique s'est de nouveau embrasée. 4342 athlètes venus de 159 pays vont se confronter dans 22 disciplines jusqu'au 18 septembre dans ces Jeux Paralympiques. La Bourse de Paris a ouvert à l'équilibre ce matin. La tendance c'est maintenant à la légère hausse. Le CAC 40 tourne autour de 4562 points. Les courses à Chantilly, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer l'As, le 6, le 2, le 4, le 16, le 8, le 9 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 6, Jasmiralda. Il est 10h05, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci, à tout à l'heure pour d'autres infos à partir de 11h. Le jeudi, c'est porte ouverte. Vous téléphonez, vous passez directement sur l'antenne. Pas d'enquête, on travaille sans filet, on découvre et on tente de régler le problème. Super problème réglé tout à l'heure à 9h30, ça c'était un cas d'hier. Une maison sauvée, l'auditeur est fou de joie, il avait peur qu'on lui saisisse, c'est réglé. Ensuite, on a attaqué un cas de frigo. Un frigo qu'on doit changer. Vous savez, nous, on règle tous les problèmes. Il n'y a pas de gros problème, ça peut être une maison saisie. Mais avoir un frigo qui ne fonctionne pas avec de la nourriture qu'on jette tous les jours, ça aussi c'est un problème de la vie de tous les jours et RTL doit s'en occuper. Et là on se bat parce qu'on a appelé Darty, la dame nous dit, on m'a promis qu'on allait me changer mon frigo. On tombe sur une hôtesse très sympa, il faut le dire, chez Darty qui fait tout pour arranger les choses. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard Sabat? Bah écoutez, pour l'instant j'ai appelé la haute direction pour faire avancer le dossier, ils ont pris les éléments et ils vont vérifier avec leur service après-vente. Est-ce qu'on a le magasin magasins en ligne ou pas? Est-ce qu'on a réussi à les avoir? Donnez le micro, s'il vous plaît, à Marie. Alors, ça sonne, Julien, mais pour l'instant, ça ne répond pas. Ils viennent d'ouvrir, donc parce que la solution, on est d'accord, Maître Fellono, maintenant qu'on lui a dit on va vous changer votre frigo, c'est d'appeler le magasin. Est-ce que vous avez le modèle en stock? Est-ce que vous pouvez lui livrer directement chez elle, qu'elle n'aille pas retourner là-bas? Voilà, exactement. Alors, ça, c'est, on a compris que ça s'était passé par téléphone. Elle ne sait pas qui l'a appelé, mais on a compris dans ce que nous a dit cette charmante personne de Darty que c'était auprès du magasin maintenant qu'il fallait se tourner. Donc, on se tourne vers le magasin et peut-être que lui est au courant, effectivement, d'une livraison à faire. On va le vérifier ensemble. Opération frigo d'ici 11h. À côté de ça, il y a la carte vitale de ce monsieur. Il en a plus, elle ne fonctionne plus et pour l'instant, ça traîne pour lui en refaire une autre. Et apparemment, il a des soucis de santé et il a beaucoup d'argent à avancer, Hervé Pouchol. Eh bien, si vous êtes malade, n'appelez pas la CPAM ce matin car le standard est saturé, c'est-à-dire le 3646. Il y a une jeune fille qui est là uniquement pour prendre votre numéro de téléphone et votre numéro de sécu. Et une fois que vous avez donné ces deux renseignements, au revoir monsieur, et elle passe au suivant. On fera la démo en direct dans une seconde, et puis on essaiera d'appeler en haut lieu, et s'il faut se déplacer, nous nous déplacerons. Vous êtes sur RTL, la radio, la seule, qui vous propose de gagner l'iPhone 7 ce matin, qui est sorti hier soir. 3210, touche numéro 2, puis ensuite numéro 1. Opération sécu et Darty dans une seconde. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159€ hors taxes par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous revenons sur la sécu, sur la carte vitale qu'il n'arrive pas à se refaire faire. Ce monsieur, c'est Marie-Claude qui s'occupe de lui. Alors Hervé Pouchol, là vous nous avez dit, oui, quand on appelle ce matin, faut pas être malade, personne répond. Moi je demande à voir. Ah, une alerte, je suis désolé, j'y reviens dans une seconde. Je suppose que c'est une alerte sur Darty, ma chère Marie. Oui, avec Josette qui a eu donc le SAV de Darty qui lui a téléphoné sur son portable pendant qu'on était au téléphone avec elle, et elle vient d'écouter le message, elle va vous raconter ce qu'on lui a dit. Josette, c'est du tout frais, ça date d'il y a quelques secondes. Que vous dit Darty alors sur le message? Darty me dit que en principe, je devrais être livrée demain matin du nouveau frigidaire. Eh bien voilà ma Josette, qu'est-ce qu'on dit à Darty? Merci Darty, la vie est tellement plus belle quand on a des gens compétents qui vont vite. Est-ce que vous êtes contente Josette? Ah bah oui, maintenant il va falloir que je joue avec eux. Je voudrais savoir comment je peux essayer d'obtenir... Alors ça c'est une vraie bonne question. Là l'urgence c'était d'avoir un frigo, mais ça oui, Bernard, oui. C'est quelque chose qu'on peut essayer de voir maintenant si on arrive à voir le directeur du magasin Darty. Elle a jeté, c'est vrai, de la nourriture, il n'y a aucune raison. Alors, elle l'a jeté. Est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher? D'abord, je donne la parole à Nathalie, après à vous, Bernard. Est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher? Il ne fallait pas en acheter tant qu'il était en panne. Mais non, attendez, il marchait forcément, puisqu'elle avait mis la nourriture dedans. Et puis, il s'est arrêté dans la nuit. C'est-à-dire qu'il tourne, mais il refroidit. Exactement. Pas. Donc, on ne peut rien lui reprocher. La seule chose, effectivement, Josette, c'est que ce qu'on va vous demander, c'est peut-être de faire le relevé de vos cartes bancaires, si vous payez par carte bancaire, pour voir tous les mois combien vous achetez de nourriture, de façon à reconstituer un préjudice qui tienne debout. Oui. Mais c'est vrai que malheureusement pour vous, si exceptionnellement vous aviez fait des achats extrêmement luxueux, si ça, vous ne pouvez pas appeler le poissonnier en disant, est-ce que vous pouvez me faire un duplicata de facture, Il faut calculer un forfait raisonnable. Voilà. N'essayez pas de tout avoir parce que malheureusement, si vous n'avez pas les justificatifs ce jour-là, ça ne marchera pas. Bernard. Rappelez-vous quand même, Julien, que Chartres, ça fait à peu près 11 minutes que je les appelle non-stop. Ils ne répondent pas. Alors ils ont un souci parce qu'ils ouvrent à 11h. Peut-être. Mais sinon, c'est surprenant. Amis de Darty Chartres, nous essayons de vous joindre. Merci de demander à un opérateur de bien vouloir nous répondre. C'est votre mission, Bernard. Non seulement vous avez réussi à avoir le frigo ce matin, maintenant je veux voir si on peut avoir une petite indemnisation. Ah, j'ai le devoir de le faire, Julien. Allez, Josette, déjà première bonne nouvelle. Je vous retrouve dès que j'ai du nouveau. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons donc maintenant, comme on a décalé un peu, vous inquiétez pas Marie-Claude, hein, vous connaissez le principe de l'émission, ça y est, vous êtes dans les tuyaux, on va s'occuper de cette carte vitale dans une seconde. Pendant ce temps-là, vous continuez d'appeler au 3210 et vous continuez bien sûr tous d'appeler pour passer dans l'émission, quel que soit votre souci. Vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire « I want to listen Adele ». Avec son nouveau titre, Adele est sur RTL, « Send My Love ». This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Adèle est sur RTL à 10h13. Vous êtes, comme l'on dit dans ma région, Hervé Pouchol, au PIT. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous êtes prêt à dégainer, vous allez peut-être avoir un conseiller de la CPAM. Oui, dans 3 minutes. Ah, 3 minutes. Donc on a tout à fait le temps d'attendre. Et puis alors, dès que vous l'avez, là, il ne faut pas le louper. On le prend tout de suite sur l'antenne, parce qu'avant d'en avoir un autre, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Je voulais vous dire également que j'ai énormément de plaisir à vous annoncer qu'à partir du mois de janvier, début janvier, eh bien, je redémarre un tout nouveau spectacle avec RTL, 100% inédit, un tout nouveau one-man show. Et on va partir sur la route pour le roder, hein, comme le font tous les humoristes. Voilà, on a tout réécrit, c'est tout nouveau. Et on va démarrer à Toulouse, comme on avait fait pour le premier, les 13, 14 et 15 janvier, au Théâtre des 3T. Alors, c'est des toutes petites salles, hein, de 80 places, où on est très proche des gens, où on teste les sketchs, etc. C'est une ambiance remarquable. Donc, 13, 14, 15 janvier, on démarre à Toulouse. Versailles, 20, 21, 22 janvier. On ira à Morey-sur-Loing, les 27 et 28 janvier, et 3, 4 février à Lille. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous de cette découverte. En ce qui nous concerne, on attend donc la carte vitale. Darty, pour l'instant, ça sonne toujours dans le vide pour le frigo. Et puis les fiches arrivent, ça n'arrête pas. Une nouvelle dans une seconde sur l'antenne d'RTL dans le 9h30, 11h. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end, et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Tous à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 1000 euros de mobilier et de décoration. Modalité en espace conseil et sur verandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. Votre saison pro recommence? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innovez autrement. Happy, 55e anniversaire. Auchan continue. Oh, pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à mardi, chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299€. En plus, avec votre carte Auchan, 100€ sont crédités sur votre compte Wahoo. Ça fait 199€ cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Ton 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Il y a des prix qui vous font dire... Attendez, attendez, vous pouvez répéter ? Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 19,95€ seulement le pot de 2,5 litres de peinture murale Vive la couleur. 9 coloris hyper tendance pour donner un coup d'éclat à votre déco. Application ultra facile incluse, reprise marchandise incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûre de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Soit 7,98€ le litre. Vous écoutez le 9h31 sur RT. Une alerte pour Hervé Pouchol, donc je suppose que c'est pour la Sécu. Allô ? Bonjour la Sécu. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'aide le matin dans le cadre de mon émission nos auditeurs quand ils ont des petits soucis au quotidien. Et là, j'ai un monsieur, c'est sa compagne, son ex-compagne qui est en ligne avec nous, qui a une carte vitale qui cesse de fonctionner. Et là, il se bat pour essayer d'en avoir une nouvelle, et il n'y arrive pas, alors ça prend un peu de temps. Et comme il a de gros remboursements, parce qu'il a des soucis de santé, ça le met dans une situation un peu périlleuse. Est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur, s'il vous plaît ? Bien. Allô, m'avez-vous entendu, monsieur ? Monsieur ? Oui, je vous ai bien entendu. D'accord. Par contre, en fait, là, maintenant, vous êtes sur un standard d'appel, puisque si vous tombez sur moi, c'est qu'il y a une saturation d'appel. Ah, donc vous vous servez à dire quoi aux gens, en fait ? En fait, nous, on sert à prendre les coordonnées des gens pour qu'on les rappelle au plus vite et qu'un conseiller puisse les recontacter pour les renseigner. Est-ce que vous avez, vous, la possibilité, mais hors antenne bien sûr, d'avoir un responsable comme on est sur l'antenne d'RTL ? Il y a de l'écho ou bien parce que... Allô, monsieur ? Je peux peut-être vous passer quelqu'un. Merci, à qui vous venez de demander à l'instant. Merci beaucoup, alors passez-le moi, c'est super, merci monsieur. Oui, en fait, je pense qu'il traduisait au fur et à mesure au patron qui est à côté. C'est normal, normal. Il ne va pas prendre des... Il aurait pu se faire engueuler s'il avait parlé. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour madame, je suis ravi de vous parler. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL au moment où je vous parle. Rien de très grave, un monsieur qui a sa carte vitale qui ne marche plus, donc il a demandé un renouvellement, un changement, ou je ne sais quoi, et il n'arrive pas à l'obtenir. Enfin, ça prend du temps, et le problème c'est qu'il a des gros remboursements, donc ça le met un peu en panique. Est-ce que vous auriez la amabilité de jeter un petit coup d'œil et de pouvoir m'aider sur ce dossier ? Oui, mais ce que je vais faire, moi je vais prendre... Donnez-moi son numéro de sécurité sociale, alors, s'il vous plaît. Je vous donne ça en antenne, Hervé, on essaie de se fixer comme objectif. Allez-y, prenez l'appareil, Hervé est en train de donner le numéro. Marie-Claude, vous ne quittez pas, là, on donne les numéros, on va pas les donner sur l'antenne. Et dès que cette dame va nous donner du nouveau, elle sera basculée immédiatement sur l'antenne. Donc ça fait deux challenges. Hein. Un challenge peut-être avoir un petit remboursement en plus du frigo pour Bernard Sabat, puisqu'il a réussi à obtenir un frigo neuf. Et un challenge pour Hervé Pouchol, essayer d'avoir cette carte avant 11h. Alors, puisqu'on est dans la Sécu, Maître Felloneau, vous le savez, les dossiers continuent jour après jour. Est-ce que vous vous rappelez, Maître Felloneau, du cas d'une Josiane ? Évidemment. Bon, allons. Josiane nous avait dit ceci. Cela fait maintenant plus d'un an que je me retrouve sans carte vitale. Je suis obligée d'avancer mes frais de santé. Tout cela à cause d'une erreur de date de naissance que l'organisme répète sans cesse. Et nous avions eu pendant l'émission Madame Anne-Marie Cauvien, qui était en ligne avec nous, directrice générale, s'il vous plaît. Je crois que Josiane est en ligne avec nous. Josiane. Oui, bonjour Julien. Bonjour Madame Josiane. Qu'a-t-elle à nous annoncer, Josiane, ce matin, dans le 9h30, 11h ? Une bonne nouvelle. Avec beaucoup de retard, mais une bonne nouvelle, j'ai reçu le formulaire de demande de carte vitale à la bonne date de naissance. Ah, bon, allez ! Il aura fallu en donner des coups de fil. Hein. Sarah s'est beaucoup battue pour vous, elle les a eues plein de fois. Mais ça y est, vous rendez compte, on en est quand même aujourd'hui à se dire, on pourrait presque dire, oui, c'est la fête, elle a gagné un tour du monde. Non, ouais, c'est la fête, elle a eu un formulaire. Voilà. Eh bien, c'est ça la vie en 2017, mais c'est ça RTL. Je suis ravi pour vous, Josiane, je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie beaucoup. Merci Josiane, bonne chance pour la suite. Et on a 5 millions de fonctionnaires, imaginez si on n'en avait plus. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait vraiment terrible. Vous avez entièrement raison de préciser ça, Maître Filono. Hervé, ça continue la négo, tranquillou ? Oui, tranquillou. Disons, on échange les adresses, mais comme on n'avait pas la bonne, donc là, on a retrouvé la bonne adresse, donc on est bien parti. Pour la première carte vitale, en parallèle, Bernard Sabat, le frigo, Darty, l'indemnisation pour le poisson, les fruits de mer, les coquillages, les crustacés, les encornets. Je me suis trouvé une passion cet été pour les encornets. Je n'ai mangé que des encornets, seul, j'ai laissé ma femme. Et du coup, je me suis retrouvé moi-même rapidement encorné. Dites-moi, Bernard. Pour la négociation, ça avance tout doucement, mais sûrement. Mais par contre, je ne suis pas content. Chartres ne répond toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? 10h22. Est-ce qu'il existe vraiment, le magasin ? Ah ben, regardez, mettez-la sur AV1, vous allez voir. Hein, moi, j'en peux plus. Hein. Non, attendez, mettez-la sur AV1. Alors, j'explique quand même aux auditeurs que l'AV1, c'est la ligne. Alors, et ça sonne dans le vide à Chartres. Si quelqu'un est du côté de Chartres, je ne sais pas à quelle adresse ça se trouve, et peut passer devant le magasin Darty pour nous en dire un petit peu plus, apparemment, ça serait Avenue des Sablons à Chartres pour voir si c'est fermé, ouvert. Soyez l'envoyé spécial pour nous. J'ai vérifié les horaires, Julien, c'est ouvert depuis 9h30. Je les ai aussi interpellés sur Twitter. Ah ben ça raccroche au bout d'un moment. Bon, ok. Ben on essaie d'avoir la direction, hein, Bernard, on attaque. Allez, l'iPhone 7 est à vous, peut-être. Il ne reste que une petite vingtaine de minutes pour gagner cette merveille de technologie dévoilée hier soir et déjà à gagner sur RTL. Première radio à vous l'offrir, c'est bien normal. 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Puis vous tapez le 1 pour donner la bonne réponse ou le SMS RTL 74-900. Précipitez-vous SMS, parfois ça peut permettre de gagner. Hein. Allez-y, on aura tout à l'heure le nom du gagnant. Les cas s'enchaînent. Paul est en ligne, je vais juste le teaser comme l'on dit dans le jargon. Est-ce que Paul est là ? Bonjour Paul. Oui, bonjour Julien. Bonjour mon Paul, vous nous appelez d'où ? De Toulon. Allez, 15 secondes pour me dire juste de quoi il s'agit sans rentrer dans les détails. Donc j'ai acheté un véhicule neuf en octobre 2015, début d'année 2016, la couture du siège se sont défaites. Ils sont allés en concession ensuite pour régler le problème. Ils nous ont assuré qu'ils prenaient en charge la réparation sous garantie. Oui. Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles. Nous les avons relancés une fois, même chose. Ils attendaient la pièce. Ensuite, ils nous ont dit qu'elle n'était pas référencée. D'accord. Donc, ensuite, nous avons contacté le service. Alors, juste, je demandais un petit résumé, mais en fait, j'ai l'impression que c'est tout le récit. Qu'attendez-vous de nous, Paul ? Donc, en fait, la problématique, c'est qu'on n'arrive pas à se faire réparer sous garantie le siège. Alors que on a contacté le service client Renault qui les a appelés à plusieurs reprises pour effectuer la réparation. Game over. Très bien, j'ai compris, Paul, qu'il fallait que je me fasse ami avec un constructeur automobile. Je vais donc l'appeler pour vous dans une seconde. Maître Filono va venir vous parler, déjà pour vous décontracter. Vous allez voir qu'avec sa voix, elle va y arriver. Et dans un deuxième temps, pour bien voir les petits détails, qu'on ne saoule pas les auditeurs de petits détails qui sont importants pour vous, mais ce que veulent savoir les auditeurs, c'est comment se sortir d'une telle situation. Et j'attaque ce cas dans une seconde. N'oubliez pas que chaque matin, entre 9h30 et 11h, on peut s'amuser, car il faut se dire que la vie est belle et aller de l'avant. Mais on peut aussi régler les problèmes parce qu'il y en a. Et vous avez une équipe qui est dédiée à ça. Une équipe qui ne s'occupe que de vous, qui vous fait du sur-mesure. L'équipe du 9h30-11h. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. A tout de suite sur RTL. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile.

un porté. C'est-à-dire que vous allez faire Patrick Swayze, Marie va s'élancer ou s'arrêter, vous devrez la porter comme il l'a fait. Monsieur Delaz, la victime. Arrêtez, non mais soyez glamour un peu. Non mais franchement, on est en train de lui dire, vous allez faire une scène érotique, enfin sympa, glamour et digé de l'asthme. Dirty Dancing, merci beaucoup. Bon. Allez, redevenons sérieux parce qu'on est là pour régler les cas. Donc Josette, c'est réglé pour vous normalement. D'accord. Vous me tenez au courant. Comment est-ce que je dois procéder? Par l'opération du Saint-Esprit, ça sera voilà. La meilleure façon. Non, Sarah s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Je suis le Saint-Esprit. Nous avons, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, entendu une deuxième alerte. Je suppose qu'il s'agit de la Sécu. Oui, à propos de Marie-Claude qui nous appelait pour son ex-compagnon qui a des problèmes avec sa carte vitale. La première fois que j'ai appelé donc la CPAM, on m'a dit, bah écoutez, moi je suis chargé de prendre les numéros, on vous rappelle. Mais vous, vous avez été plus convaincant parce qu'on a eu une deuxième personne qui s'appelle Julie. Une fille extraordinaire qui a pris du temps pour écouter ce qu'on avait à lui dire. Julie doit me rappeler d'ici 45 minutes, j'ai obtenu. Très exceptionnellement, sa ligne directe. Je veux simplement obtenir deux informations. La première, c'est quand l'ex-compagnon de Marie-Claude va avoir ses cartes vitales. Ça, c'est important. Mais surtout, il a 2400 euros à dépenser. Donc, il va falloir trouver un système pour que la CPAM lui avance. Et ça, vous pensez que ça va être possible? Et ça, dans 20 minutes, non. Allez, 30 minutes, on aura une réponse de Julie. Nous sommes vraiment dans et le monétaire. Je la sens bien, cette Julie. Il se lance des objectifs, nos négociateurs. Enfin, évitez quand même de dire des choses, je la sens bien, cette Julie. On est quand même sur une antenne, la plus écoutée de France à cette heure-ci. On essaie d'avoir un langage un peu juridique. Alors, j'essaie de décontracter un peu les choses. Mais pas trop. Mais je pense qu'il y a quand même une limite qu'il faut que l'on se fixe. Oui. Parce que si on commence à appeler les professionnels et dire sur l'antenne, je commence à bien la sentir, cette Julie, là, on va avoir des petits soucis. Mais c'est parce qu'il savait qu'Axel Red allait arriver avec sensualité. Oui. Et puis tout à l'heure, on donnera la parole à Maître Fellono qui va vous dire une petite chose qui lui tient à cœur. Et elle a bien raison. Sacha. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en musique. Axel Red et le fantastique Sensualité, 10h35, une petite parenthèse parce qu'elle a raison d'en parler et je soutiens le mouvement. C'est ce mouvement contre le sexisme, puisque c'est une grande journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle le sexisme ? Quelle est la différence entre le sexisme et le harcèlement, en fait ? Ça n'a rien à voir. Le harcèlement, c'est effectivement vouloir obtenir ses fins et déranger la personne. Le sexisme, c'est toutes les blagues à la noix de coco que vous nous faites régulièrement, vous, messieurs. Et donc, c'est les blagues sur les blondes, les blagues sur les femmes au volant. Voilà, c'est tout ce qui rabaisse l'image mais moi, toutes de les la filles, femme. Honnêtement, attendez, moi, je soutiens à fond le mouvement, mais quand les filles se moquent de nos gros ventres, de nos bourrelets, qu'on a de la graisse, qu'on perd nos cheveux... Mais ça, c'est vrai, etc. C'est pas pareil. Oui, mais voilà. D'accord, non, mais je pense que c'est pas ça le sexisme. Le sexisme, c'est plutôt avoir un poste, peut-être... bien entendu, je parle du sexisme quotidien. Qui permet quotidien. De faire des blagues auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on se dit, c'est mon patron qui a fait exactement. Ça, il s'est permis de le faire. Voilà. De toute façon, c'est pour tout ce qui est contraire à l'égalité homme-femme. Et c'est vrai qu'au quotidien, toutes ces petites piques, toutes ces petits traits d'humour, ça fait partie du sexisme. Alors, je vous invite, messieurs, à aller sur le site du ministère des Droits de la Femme et de télécharger le badge qui s'appelle Sexisme. Pas notre genre, ça vous ira très bien, au moins ça vous donnera des idées. Voilà. Merci Maître Felloneau, vous êtes victime d'une injustice ou d'une erreur administrative. Tout de suite, 3210, tout de suite, Facebook, la page, elle peut vous arriver. On vous a pris pour un pigeon, un voyage qui s'est transformé en cauchemar, on vous doit de l'argent, vous n'êtes pas remboursé. 3210, RTL, bien sûr, toujours le Facebook, la page, elle peut vous arriver. Dernière minute pour l'iPhone 7, 3210, touche numéro 2, et ensuite vous faites la touche numéro 1 pour le gagner, ou bien SMS. Au 74-900. Dans le Money Time, nous avons oublié Paul. Paul et son problème de voiture, il attend. Nous n'avons que 20 minutes pour tenter de régler son problème. Opération siège auto dans une seconde, dans le 9h30-11h. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. À la une de l'heure du crime, la longue traque d'un violeur pédophile multirécidiviste qui fera en 18 mois 34 petites victimes en plein Paris. L'invité de l'heure du crime, le commissaire Jean-Marc Souvira, a dirigé cette enquête avec une cinquantaine de policiers, presque tous pères de famille, qui n'ont jamais voulu renoncer. Jusqu'au jour où, enfin, la chance leur a souri, l'homme a été confondu, il a été condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises de Paris. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Cette semaine dans Le Point, notre grand dossier spécial vin de Jacques Dupont. 509 vins sélectionnés, 161 grandes bouteilles à moins de 10 euros et notre guide complet des foires aux vins par enseigne et par prix. Amateurs de bons crus et de bonnes affaires, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du spécial vin du Point en vente cette semaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez sur le Facebook, sur la page, ça peut vous arriver. Le porté de Dirty Dancing, puisque nous, on ne fait pas Dirty Dancing, puisqu'on n'a pas Patrick Swayze, malheureusement, dans l'équipe, ni la très belle actrice. Nous, on fait avec ce qu'on a. Et donc, du coup, c'est plus Dirty Dancing, c'est Dirty Dancing. Et il y a le fameux porté où elle se jette, vous savez, dans ses mains, il la soulève. Eh bien, Sarah et Bernard en ont tenté un. Et il a été filmé par Marie. Je vous conseille d'aller le voir, ça va vous faire votre journée. Alors, on va le mettre sur Twitter tout à l'heure, mais là, il est sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Redevenons sérieux. Paul, vous m'avez donc expliqué que vous avez acheté un véhicule neuf en octobre 2015, 16 000 euros. Quelques mois après, les coutures des sièges lâchent, en tout cas d'un siège. Vous ramenez là-bas, l'atelier commande la pièce, un mois et demi après, vous retournez. Bref, aujourd'hui, si on veut être bien clair, Paul, ils n'ont pas été capables de vous réparer ce siège. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, le dernier dialogue que vous avez eu avec eux avant de lancer l'appel. C'est le service client Renault. D'accord. Cet été. Bon, alors, mais ils disent quoi ? On n'a pas la pièce, on n'a pas c'est du fil, des aiguilles, il faut quoi pour recoudre ? Ils disent qu'ils n'ont pas la capacité d'intervenir auprès du garage, parce qu'ils sont, chaque garage est indépendant. D'accord. Les uns les autres. Un mot de Maître Felloneau, on prépare l'appel, c'est vous Hervé, vous me faites le numéro du garage, s'il vous plaît. Alors, pour moi, c'est un problème de non-conformité sur du véhicule neuf, il n'y a aucun problème là-dessus. La couture qui lâche dans les 6 mois, elle doit être réparée. S'ils sont incapables de réparer, ils changent le siège. Ah oui. Alors, évidemment, c'est le vendeur, le concessionnaire, fonctionnaire local qui est intéressé, mais lui, effectivement, il n'a pas les ateliers pour, il n'a pas les moyens de faire cette réparation. Lui, il a que des techniciens, il a des garagistes. Là, c'est des couturiers qu'il lui faut. Il faut vraiment obtenir du siège social qu'il intervienne avec vigueur. La concession se trouve à La Valette. Bonjour, salut à votre service. Bonjour. On y est. Oui, bonjour, je suis à Renault La Valette. Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Puis-je avoir s'il vous plaît le responsable de la concession concernant un problème qui traîne un peu pour un auditeur sur un siège ? Un instant. Merci beaucoup. Alors, c'est un Dacia, hein, le véhicule ? Oui, un instant. D'accord. Non, excusez-moi, je parlais à Paul. Je vous attends madame, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Donc là, concession Renault La Valette, et alors après le coup de ils sont indépendants, Renault peut rien faire, ça c'est quelque chose que moi je peux pas entendre. Moi, je vois des publicités à la télé. Je vois des publicités pour Desange, pour Renault, pour Peugeot, pour donnez-moi une agence immobilière, La Forêt. Et donc je me dis OK, c'est une marque sérieuse, ils font de la pub, ils me disent que tout va bien. Donc quand je rentre dans ma petite agence, j'ai pas à savoir s'il est indépendant ou pas indépendant. Ou alors, dans ces cas-là, il faudrait que la pub dise « Les voitures machin sont super, mais attention, quand vous irez dans le petit en bas de chez vous, il est indépendant, on pourra rien faire pour vous. » Ça peut pas se passer comme non, ça. Non mais juridiquement, c'est tout à fait exact, ils sont indépendants. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la marque est exempte de toute responsabilité puisqu'elle agit, elle, en qualité de fabricant. Et là, effectivement, elle doit intervenir, certes, en deuxième rang, mais elle doit intervenir. Non, mais... Et c'est au magasin, au concessionnaire local, d'appuyer le dossier pour que, effectivement, là, le siège soit changé. Là où, commercialement, il faut qu'on progresse. On a quelqu'un qui achète du neuf. Vous savez que le neuf est en train d'exploser. Les gens n'achètent plus que de l'occasion maintenant parce que c'est trop cher. On a quelqu'un qui achète du neuf. Oui. Au lieu de garder le client... Parce qu'on n'a pas réussi à réparer une fois, deux fois, trois fois, on lui change le siège. Non, là, on est en train de bien le braquer. Comme ça, la prochaine voiture qu'il achètera, il ira acheter une autre voiture. C'est un peu idiot. Est-ce que ça répond, Hervé ? Toujours rien ? Bah écoutez, elle est en train de... Ah, Marie, allez-y. Oui, il n'est pas dans son bureau, le monsieur qu'on cherche à joindre. Donc d'accord. Elle l'a remis en attente, elle part le chercher ailleurs. Alors, elle va le chercher ailleurs. Peut-être que dans le doute, Hervé, vous pouvez tenter sur une ligne parallèle d'avoir peut-être le service, le siège, pour essayer d'avancer. D'accord. Et puis alors, s'il le faut... Alors, dans ces cas-là, on appellera, mais c'est vraiment en dernier recours. Tout nu et tout bronzé. Carlos Ghosn. Ah non, c'est pas le même. Mais non, attendez, c'est le grand PDG. Parce qu'il me dit, on va appeler Carlos. C'est alors pas moi, la je... même stature. Ouais. Hein? Il nous manque d'ailleurs, Carlos. Hein. Ouais. Aux grosses têtes, c'était vraiment un pilier de chez pilier. Paul, vous restez en ligne. J'attends d'avoir quelqu'un. J'aurai une alerte dès que quelqu'un arrive. Ce que nous allons faire maintenant, parce que c'est un feuilleton, le 9h30-11h, qui s'écoute vraiment chaque jour avec des rebondissements. Et nous allons voir comment l'équipe a travaillé sur les cas précédents. Il est 10h43. Nous faisons le point sur les affaires. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Alors, n'oubliez pas qu'à 9h30, on a annoncé quand même qu'on a sauvé la maison d'un auditeur parce qu'on voulait vraiment vous l'annoncer en priorité. Mais là, il y a d'autres cas. Il y avait celui de Guillaume qui se débattait avec son fournisseur d'électricité. On me réclame de payer 1 800 € d'électricité alors que mon compteur que j'ai pris en photo démontre clairement que c'est abusif. J'ai beau appeler, écrire, rien n'y fait, je me heurte à un mur. Nous avons eu, je ne sais pas si Guillaume est en ligne avec nous. Non, il n'est pas là, Guillaume, malheureusement. Donc, je vais lui lire le mail, puisqu'il se débattait avec son fournisseur d'électricité. On avait appelé. C'était un truc de fou, Maître Félonneau. Donnez 2-3 petits détails quand même à nos auditeurs. En fait, il y avait un problème dans le relevé du compteur. On lui facturait une consommation qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que cette erreur durait depuis assez longtemps, puisque lui, il a pris le soin, quand il a déménagé, de prendre son compteur en photo, et évidemment, là, ça devenait beaucoup plus difficile à contrecarrer. Il n'arrivait pas à obtenir que quelqu'un d'officiel vienne relever le compteur. Petite précision là-dessus, Julien, c'est vrai que c'est un service payant quand on loupe le préposé qui vient en général, etc. Mais quand vous avez raison, ce service redevient gratuit. D'accord. En revanche, si vous avez tort, vous payez, je ne sais plus combien, mais ça vaut la peine de le demander quand même. Il y a eu un mail arrivé que je lis. Alors, j'aurais aimé qu'il soit en ligne avec nous, Guillaume, mais on va lui annoncer le mail. Enfin, on va lui lire en tout cas. J'espère que ça lui conviendra. Voilà ce que l'on nous dit. Suite à l'émission de Julien Courbet, Direct Energy s'est occupé du dossier de Monsieur Leroy, s'agissant d'un problème lié à des informations erronées de relève du compteur. Et nous avons transmis une réclamation à Enedis. le service public de distribution en charge de la relève des compteurs, en leur précisant l'urgence de la situation. Déréception des éléments, délai 10, Direct Énergie enverra dans les plus brefs délais une facture de régularisation à Monsieur Leroy qui correspondra à l'électricité que celui-ci a réellement consommée. La satisfaction de nos clients étant un impératif pour Direct Énergie, nous sommes désolés des désagréments rencontrés par Monsieur Leroy. Voilà, bravo à Frédéric Barthélémy, directrice de la communication et des relations institutionnelles. Vous suivez ça quand même, Sarah, parce que là, c'est un beau mail. Il y a 1800 euros à la clé. Voilà, il y a 1800 euros. Et dès qu'il l'aura, donc vous me faites un point d'ici une semaine. Et normalement, il devrait avoir donc son remboursement. Bien joué, l'équipe. Une alerte ? Qui vient d'où ? S'il vous plaît, Marie. Écoutez, chez Renault, on a Monsieur Bello qui va prendre la communication tout de suite. C'est génial. Bonjour, Monsieur Bello. Allô ? Relation, hein, merci beaucoup. Donc, c'est une dame qui va nous passer, Monsieur Bello. Là, nous sommes sur le siège. Il achète une voiture neuve. Le siège est décousu. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bello. Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour vos clients, Monsieur Bello. Très rapidement, le cas de Paul Noireau, vous voyez de qui il s'agit. Il achète une Dacia avec un siège qui est décousu, enfin un truc dans ce style-là. Et ça traîne depuis fin mars 2016. Et on n'arrive pas à lui réparer. On se dit, qu'est-ce qu'on attend pour lui changer le siège ? Et il ne sait plus quoi faire. D'accord, je comprends, c'est pas normal. Et alors, je ne sais pas qui était son interlocuteur. Paul, qui était votre interlocuteur là-bas ? C'était le revendeur et puis le chef d'atelier. Mais vous n'avez pas de nom ? C'est pas Monsieur Messager, peut-être ? Monsieur Messager, non, ça vous dit rien. Je pourrais pas vous donner de nom. Mais il y a eu énormément d'échanges, monsieur. Il y est retourné combien de fois, Paul ? La voiture est retournée là-bas ? Deux fois. Deux fois, et ça date depuis mars 2016. Et quand vous avez appelé. Qu'est-ce qu'on vous a dit à chaque fois ? Il faut commander une pièce. Que la pièce n'était pas référencée et que, qu'on nous mettait en attente et qu'on nous préviendrait quand. C'est un problème de référencement de la hausse, en fait, c'est ça. Hein, parce que logiquement, hein, Monsieur Marot, comme dans le cadre de la garantie, logiquement, il y a une prise en charge du siège et on doit vous remplacer la hausse qui est défectueuse, hein, clairement. Mais ça, personne ne le conteste, même chez vous, lui dit, on cherche une pièce qu'on ne trouve pas et ça traîne et ça traîne. Et ça fait combien de temps maintenant, Guillaume ? Pardon, pas Guillaume, ça fait combien de temps, Paul ? Depuis le mois de mars, donc 6 mois. Alors, Monsieur Marot, ce que je vais faire, je m'occupe pas malheureusement de la partie pièce et de la partie accessoire, parce que c'est mes collègues, mais je m'engage à vous trouver rapidement une solution. Je vais relancer moi-même ces deux services, hein, au niveau de la pièce et au niveau de l'atelier, pour qu'on trouve une solution rapide. Hein, c'est formidable, monsieur. Et si on peut savoir, si d'ici une petite dizaine, là, il peut avoir son siège, ça serait formidable. Bon, écoutez, je remets la pression à l'ensemble des services, hein, et faire nécessaire auprès aussi de la TechLine de chez Renault pour qu'on ait rapidement une référence. Hein, monsieur Noirot, et je reprends votre dossier. Merci beaucoup. Votre téléphone, monsieur Noirot. On vous donne ça hors antenne. Bravo, Renaud Lavalette. Voilà quelqu'un qui a envie de s'occuper de ses clients et qui a envie d'avoir des clients satisfaits parce qu'il est venu acheter du neuf chez vous et il rachètera et il faut le garder comme client, monsieur. Merci beaucoup. Bravo à vous. Paul, on se tient au courant dans une petite dizaine de jours avec Sarah, d'accord? Très bien. Merci Paul, je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire qu'il y a une petite pause à marquer et que c'est les derniers instants, les dernières secondes pour l'iPhone 7. L'iPhone 7 qui est sorti hier soir et qui est déjà à gagner sur RTL. Donc dernier appel, dans quelques minutes vous allez savoir si vous avez été choisi ou pas. 32-10, touche numéro 2, puis touche numéro 1 ou RTL au 74-900. C'est juste après ceci. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrieur, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100 euros offerts en bons d'achat pour 500 euros d'achat en meubles, déco et électroménagers. 100 euros offerts ! Eh oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bons d'achat valables sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. La merveille de technologie qu'est l'iPhone 7 est sortie hier soir. Toute la nuit, ça a tweeté. Tout le monde se l'est décrit. Il va plus vite, il a plus de mémoire, il tient plus longtemps. Bref, c'est le petit bijou. Et dès ce matin, il est sur RTL, mesdames et messieurs. L'une ou l'un d'entre vous va peut-être le gagner. Vous avez été très nombreux à jouer. Il y a eu le tirage au sort. Attention, c'est parti. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. Et maintenant, nous, en tout cas, on n'en a pas un iPhone 7 pour faire les numéros. Je vous le dis tout de suite. Hein. Allô? Allô, qu'est-ce qui se passe? Oui. Julien, on va relancer le numéro. Oui, un petit s'il vous plaît. Souci de machine. Prie. Oui, c'est ce qu'on dit. Merci. Nous y allons, le c'est petit reparti. Souci de machine. Attention, je vais demander le silence à nos négociateurs quelques instants. Allô, oui. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui. Est-ce que la Laetitia, elle est là, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Bonjour, madame. Vous aviez téléphoné, c'était pour la commande. La commande? Oui, vous aviez pas téléphoné pour la commande pour le salon de jardin? Ah non, pas du tout, absolument pas, surtout dans cette saison. Ah bah mince alors, mais je vais pas vous envoyer ça alors. Je vais vous envoyer un iPhone 7 peut-être à la place. Ah ouais, super. Ah ouais, j'adore, c'est génial. Ouais. Ça va Laetitia? Vous êtes la première à gagner un iPhone 7 en France. Et j'ai peut-être. Jamais rien gagné, j'écoute RTL tout le temps. Et alors vraiment, je suis très contente, je suis en vacances, donc j'ai profité c'est pour génial. Vous téléphoner. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis très contente. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laetitia? Je suis hôtesse de l'air. Sur la grande compagnie française? J'ai cet honneur. Ah ben génial, écoutez, allez pouvoir, et vous allez les faire baver, les hôtesses et les stewards. Le pilote, il va les avoir, le pilote de ne pas l'avoir, l'iPhone 7, alors exactement, que vous allez l'avoir. Super râler, je suis ravie. Elle va passer. Et puis j'ai un vieil iPhone, ça va me le changer, je suis contente. Et au niveau mari, vous avez un vieux mari ou vous en voulez un nouveau aussi ou... Oh non, je vais en changer, donc... Ah, vous voyez, elle change tout. Cette année, elle change l'iPhone et le mari. Je ne sais pas, par contre, si votre mari aura la même capacité que l'iPhone. Mais enfin, vous verrez bien, ça a l'usage. Je vous fais un énorme bisou et bravo. Merci, Julien. Profitez bien. Bravo à toute votre équipe et merci RTL encore. Voilà, c'est un beau cadeau. Encore une fois, vous étiez la première radio ce matin pour gagner ça. Merci, gros bisous, Laetitia. Merci, au revoir. Et merci à tonton Georges Bénadi qui vous offre de beaux cadeaux pour vous remercier de votre fidélité. Alors, les garçons, j'ai vu que ça s'excitait de tous les côtés. On va faire maintenant le point info. Le Money Time touche à sa fin. Il s'est passé plein de choses. Il va encore se passer des choses. On y va. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Josette et son frigo. Son frigo qui continue à marcher, elle le croit, mais à une alerte. Et c'est l'alerte qui est prioritaire, c'est la règle. Que se passe-t-il? Hervé Pouchol, qui est en ligne, allô? Je vous avais promis Julie de la CPAM, il est 10h52, elle est en ligne, Julien. Bonjour Julie, c'est la Sécu, bonjour. C'est la carte vitale qui fait défaut. Expliquez-moi Julie. Alors, donc j'ai téléphoné au centre de Cagnes-sur-Mer, donc j'ai eu le responsable en ligne. Il a édité le kit est parti par voie postale le 5 septembre, mais il l'a réédité et le kit l'attend sur place. Donc il peut aller le chercher dans la journée, il n'y a pas de problème. Est-ce que Marie-Claire est en ligne avec nous? Marie-Claude, vous êtes en ligne? Marie-Claude est sur la 4 apparemment, Marie. Allô? Allô? Oui, Marie-Claude, vous m'entendez? Oui, la carte est prête, il peut aller la chercher apparemment à Cagnes-sur-Mer. C'est le kit carte vitale. C'est pas la carte vitale. Hein. Mais est-ce qu'avec ça, il peut se faire rembourser? Non, le kit, c'est pour faire une demande de carte vitale. Ah voilà. Non, oui, d'accord, ok. Oui, il y en a pour des semaines à attendre. Mais alors, comment il fait? Bon, alors on va appeler c'est la procédure. Après, d'accord. S'ils ont d'autres questions, ils le recevront, il n'y a pas de problème. Mais déjà, ce formulaire, il nous le fallait. C'est la première étape. Après, on verra ce qui soit très bien comme il faut. Allez chercher le formulaire aujourd'hui et on reprend le dossier demain pour faire avancer avec le formulaire. D'accord? Ouais. Allez chercher aujourd'hui. On peut mourir sans carte vitale. Marie-Claude, je comprends que vous en ayez gros sur la patate. Honnêtement, mais là, soyons efficaces. Ce qui compte, c'est l'avoir. Donc, vous allez chercher ce formulaire. Cet après-midi, vous appelez Sarah en lui disant « J'ai le formulaire ». Et demain matin, on appellera s'il le faut, le ministère de la Santé pour essayer d'avoir une carte ou un papier qui vous permet de vous faire rembourser. Car sans carte, pas de remboursement. Et sans remboursement, les gens n'avancent pas, donc ne se soignent pas. On fait exactement ça, Marie-Claude? Merci, c'est gentil. Allez, merci mademoiselle en tout cas. Hervé, vous récupérez l'appel. Vous voyez, c'était une demi-fausse voix. Mais de toute façon, il fallait pas, le papier. Pas de remboursement, c'est pas de prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut faire l'avance des frais. Et ils peuvent être considérables. Bon, donc on s'en occupe. C'est un dossier qui est traité demain. Il faut que notre auditrice sache que demain, on reprend ça, mais il faut qu'elle ait le papier dans les mains. Donc, Josette, c'était le frigo de chez Darty. Bernard Sabat, là-bas arrive à obtenir un remplacement du frigo, elle l'aura, je crois. Demain matin, ça sera livré. Demain matin, et vous avez réussi à avoir un bon d'achat de 200 euros chez Darty qui sera livré en recommandé dès demain, donc elle l'aura dans les 48 heures. C'était l'un des premiers cas. Marie-Claude et la carte vitale, à l'instant, vous venez de l'entendre, son compagnon n'a plus de carte vitale. Là, ça y est, déjà, il va aller chercher dès cet après-midi le papier, mais après le papier, il y a des semaines. Et lui, il ne lui faut pas des semaines, donc demain, on y revient. Sarah. Paul et la couture de siège qui a lâché. Donc là, on avait un responsable de chez Renault, oui. Maître Félonneau, qui semblait dire, je ne comprends pas que ça prenne autant de temps, mais il nous a rassurés. Oui, il nous a rassurés, d'autant plus que lui, il a quand même des numéros privilégiés pour joindre ceux qui s'occupent des pièces détachées, notamment cette absence de référencement qui a l'air de tout paralyser. On compte sur lui, il trouve ça normal, il ne peut pas supporter que son client reste comme ça. Moi, je sens que ça va bien se passer, ce dossier. La maison, nous l'avons sauvée. Sarah s'est battue pour ce monsieur avec le Crédit Agricole. Il garde sa maison, il nous avait dit, c'est je paie mes crédits et pourtant ils veulent tout me prendre. Bref, c'est réglé. Et Guillaume et Direct Énergie, là aussi, on l'a entendu, c'est réglé. Il me reste 2 minutes, Sarah. J'ai besoin de vous car on a eu Richard, c'était hier, hein, Richard. Richard qui est en ligne avec nous. Richard, bonjour. Oui, bonjour Julien. Richard, c'est cette histoire complètement folle de bateau. Écoutez ce qu'il nous avait dit. C'était le rêve de ma vie. J'ai acheté un bateau 27 000 euros pour ma retraite, mais depuis, c'est un calvaire. Je navigue d'une panne à l'autre, et ce, depuis des mois. Alors, apparemment, c'est la batterie qui se décharge, je crois, rapidement. Oui. Donc, celui qui vend le bateau, qui est le concessionnaire Marine Savoie Nautique, dit, moi, j'arrive pas à le réparer, donc il faut passer avec ceux qui vendent le moteur. Ce qui est d'ailleurs pas tellement le problème, on va dire les choses comme elles sont de Richard. Et ce monsieur, il nous a dit, oui, mais j'essaie de réparer. Oui, heureusement, il manquait plus que ça, qu'il n'essaie pas de réparer. Mais quand ça prend trop de temps, il y a un client qui a acheté du neuf et qui ne fait pas de bateau. Donc il faut prendre une solution et lui changer le bateau. Il faut savoir que c'est le même refrain avec le fabricant BRP, puisqu'effectivement, il m'expliquait qu'ils étaient encore en train de chercher la panne. Donc je pensais, moi, que le vendeur s'était rapproché du fabricant, mais pas du tout. Donc j'ai passé une demi-heure à faire comprendre à la jeune femme, qui était très sympa, que ce n'était pas le but. En fait, là, à un moment donné, il faut statuer en fait, quand la panne n'est pas trouvée. Donc elle m'a assuré tout simplement se rapprocher du vendeur et moi je dois avoir des nouvelles cet après-midi ou demain ou peut-être Richard directement pour savoir exactement quelle est la conclusion. On est obligé de faire des points tous les trois jours parce que, encore une fois, s'ils ne savent pas le réparer, au moins qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui aillent acheter ce modèle de bateau. C'est un quoi déjà ? C'est un quoi votre bateau déjà, Richard ? Un Cap Ferret, mais le Cap Ferret, c'est le fabricant de l'embarcation, et Evinrud, c'est le moteur. Et apparemment, ça viendrait du moteur. Oui. Donc, C'est Evinrud, c'est les moteurs Evinrud qui se vident, et ils n'arrivent pas à trouver la solution. Mais encore une fois, et très rapidement, votre seul interlocuteur, c'est Marine Savoie Nautique. Oui, et puis attention, on est encore dans l'obligation légale de conformité, c'est un bien neuf. Est-ce qu'il a une petite lettre recommandée, là, maintenant ? Non, mais il l'a fait, croyez-moi qu'il a écrit, et des tonnes, il y a un dossier épais comme ça. La seule chose, Julien, c'est que la loi vous dit au vendeur, vous avez 30 jours pour mettre fin à la panne ou au problème. Si vous n'y arrivez pas, vous devez échanger. Et si l'échange est impossible, vous devez rembourser. Donc le délai est largement passé. Voilà. Et je crois qu'il faut maintenant mettre les points sur les i et on va aller au tribunal. Je pense qu'il faut y aller. Non, on continue, on en reparle lundi sur l'antenne RTL. Point avec Marine Savoie Nautique à Bourget-du-Lac et les moteurs Evinrud, puisqu'aucun des deux n'arrive à trouver la panne et ne propose de solution. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Nouvelle coupe. Rendez-vous coiffeur. Débroussailleuse thermique. Outil multifonction. 4 en 1. Prix coupé. 129 euros. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique Woodstar. 51,7 cm3. Diamètre de coupe 255 mm. Débroussaille, coupe, taille et élague pour seulement 129 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. D8 devient C8. Chaque samedi, retrouvez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Suivez l'actu sportive en direct dans Touche pas à mon sport avec Estelle Denis. Et le dimanche, découvrez le nouveau rendez-vous politique de Laurence Ferrari en direct, Punchline. Alors rendez-vous sur C8. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et merci à toute l'équipe d'avoir aidé toutes ces personnes qui nous ont appelés sur RTL. Salut Stéphane. Bonjour Julien. Et je serai dans la salle ce soir. Ah, très bien, mais il ne faut pas le dire. Peut-être Pourquoi elles sont avec nous, Muriel Robin. Tellement fière d'aller les voir. Faut dire que c'est un événement quand attendez. Même. C'est 20 ans déjà, ils s'aiment depuis 20 ans. Michel Larocque, Muriel Robin sont nos invités ce matin dans À la bonne heure en direct et en public sur RTL. Non mais c'est fantastique, il faut aller le voir ce spectacle. Merci, amusez-vous bien. Merci. On se retrouve demain matin à partir de 9h30 et nous serons en direct et nous serons là pour vous aider. Vous avez choisi d'écouter la première radio de France. Il est 11h. Marie Guerrier pour l'information. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Il faudra encore attendre un peu pour connaître le dispositif de baisse des impôts pour 2017. Les arbitrages seront dévoilés demain, vient de dire Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Il ajoute qu'il y aura une mesure pour les ménages et des mesures pour les entreprises. François Hollande, qui vient de présider le Conseil des ministres, se rend maintenant en salle Wagram à Paris pour un discours sur le thème de la démocratie et la lutte contre le terrorisme. Il devrait parler de ses intentions pour 2017 sans toutefois se déclarer encore candidat à sa succession. On en reparlera bien sûr en détail dans le flash de midi sur RTL. Dans l'actualité, il y a la première grève de l'année scolaire. Aujourd'hui, à l'appel du SNES-FSU pour se plaindre de la réforme du collège. Pas question de suspendre cette réforme, prévient la ministre de l'Éducation nationale qui estime que seulement 5 à 10% des collèges sont réticents au changement. Grève donc des enseignants aujourd'hui à l'appel du SNES-FSU. À Saint-Nazaire, le propriétaire sud-coréen des chantiers navals veut vendre l'entreprise. Le groupe STX dit avoir un besoin urgent de liquidité. Il est en grande difficulté financière et la faillite pourrait être prononcée en Corée. Alors, STX souhaite que la vente de Saint-Nazaire soit bouclée d'ici à la fin de l'année. Les chantiers navals de l'Atlantique vont bien. Le carnet de commandes est plein. Il y a du travail pour 10 ans. STX recevra les offres des acheteurs potentiels en octobre et choisira son candidat préféré en novembre. Plusieurs repreneurs ont déjà manifesté leur intérêt. On reparle aujourd'hui du sujet délicat de la fin de vie des personnes malades. Jean Mercier, âgé de 88 ans, est rejugé en appel pour avoir aidé sa femme à mourir il y a 5 ans. Lui-même est malade. Lors du premier procès, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Pas de condamnation prononcée ce matin dans le procès qui faisait suite à une pollution à l'amiante au Parlement européen de Strasbourg. Un architecte, un maître d'œuvre et une entreprise de plâtrerie étaient poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Finalement, ils ont tous été relaxés. La justice estime qu'il n'y a pas eu violation délibérée des obligations de sécurité, nous indique Yannick Collant en Alsace pour RTL. Les faits remontent à 2013. Au cours de travaux au Parlement européen, des ouvriers avaient arraché l'habillage de plusieurs piliers, provoquant une exposition à l'amiante pour des centaines de salariés du Parlement qui s'étaient portés partie civile. Mais leurs plaintes sont aujourd'hui jugées irrecevables. Il n'y aura pas d'indemnisation. Le sexisme se niche dans notre inconscient collectif. C'est le constat de la ministre des Droits de la Femme, Laurence Rossignol, qui lance aujourd'hui une campagne pour que cessent les remarques insidieuses et les attitudes inappropriées vis-à-vis des femmes. Objectif, débusquer le sexisme partout où il se trouve, au travail, dans la vie quotidienne, en politique. RTL vous pose la question aujourd'hui. Pensez-vous que le sexisme ordinaire est en recul? Vous pouvez répondre dès maintenant au 3210 et puis vous pourrez en discuter dans RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parizeau en appelant le 3210. La météo du jour, les températures baissent à l'ouest et restent toujours chaudes à l'est. Des nuages encombreront toute la journée le ciel de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées au Massif central. Les éclaircies reviendront sur les autres régions de l'ouest dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est du soleil d'été. On attend cet après-midi 21 degrés au Havre, 22 à La Rochelle, 25 à Nantes, 26 à Paris et Limoges, 27 à Lille et Bordeaux, 29 à Reims ou encore à Clermont et puis par exemple 32 degrés à Montélimar et à Strasbourg. Les courses à Chantilly, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer l'As, le 6, le 2, le 4, le 16, le 8, le 9 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 6, Jasmir Alda. Il est 11h04, vous êtes sur RTL, à la bonne heure, avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, et nous vous retrouverons, chère Marie Guerrier, à midi, pour faire un point sur l'actualité. Et il se trouve que nous sommes, voilà, maintenant dans À la bonne heure, en direct et en public, sur RTL. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et avec nous ce matin, comme c'est la journée contre le sexisme, eh bien alors nous, on a deux femmes. Voilà, c'est Muriel Robin et Michel Larocque qui sont nos invités. Bonjour, je vais vous présenter un peu mieux dans un instant. On a viré le garçon, Pierre Palmade, et on a gardé les deux filles. Et je vous présente toute l'équipe. Il est là et nous sommes ravis de l'accueillir comme tous les jeudis. C'est Oldelaf qui, juste après le journal de midi, va interpréter une chanson écrite spécialement pour vous. Ah. C'est du sur-mesure, c'est de la haute couture. Ça va être incroyable. Mmh. Oui. Un tube comme la semaine dernière. Je le sens, je le sens. Oui. Michel Drucker s'en est parmi. Hein. Ah, non. Vous avez fait rimer vélo et hosto.